Maman, quand j'ai vu dans tes yeux le fond de ton âme, mes larmes ont coulé. Je sais que tu avais le cœur brisé de voir mon genou à terre parce que quelqu'un m'avait brisé. Alors j'ai pris mon courage à deux mains, chaque jour prié pour faire un autre pas vers demain. Je t'avais promis que j'y arriverais et c'est ton amour qui m'a porté. Alors que toutes les portes, tour à tour, se fermaient. Je n'avais plus de force, mais j'avais du courage. Celui que tu m'as transmis, oui, j'avais la rage. La rage de vivre, alors que les coups portés m'ont fait fermer les yeux, ont failli m'achever. Mais dans le noir, j'ai vu toutes ces années vécues où toi, tu ne t'es jamais avoué vaincu. Alors je me suis relevée, je n'étais plus perdue. Propulsée de l'enfer, je n'y retournerai plus. J'ai serré les poings jusqu'à ce que mon cœur trouve une clé tombée par terre. Mes yeux fébriles tournés vers le ciel, j'ai regardé les nuages comme un enfant regarde sa mère. Le vent m'emporte enfin, là où se trouve peut-être mon destin, vers un nouveau chapitre où il n'y a pas de fin. Merci maman de m'avoir attendue quand moi-même je n'y croyais plus. L'amour d'une mère ne s'avoue jamais vaincu. Il vous guide dans le noir comme une main tendue. Accrochez-vous et battez-vous. Au chapitre de la vie, vous et moi, on se donne rendez-vous.